Ceci est une lecture de Christiane Johann pour audiocité.net. Ceci est un enregistrement sous licence CC BY-NC ND 2.0 FR. La Messiade, poème en 20 chants par Friedrich Gottlieb Klopstock. Traduction nouvelle par Madame la Baronne de Karlowitz. Précédé d'une notice sur l'auteur. Domaine public. Notice sur Klopstock. Frédéric Gottlob Klopstock naquit à Quedlinburg le 2 juillet 1724. Dès l'âge de 16 ans, le génie poétique qui venait de s'éveiller en lui le plongea dans une rêverie méditative dont personne ne connaissait ni l'objet ni le but. Aussi l'accusa-t-on d'indolence et de paresse. Le jeune poète, il n'avait pas encore 20 ans, répondit à ces accusations en publiant les 3 premiers chants de la Messiade. Il serait difficile de décrire l'effet que produisit cette poésie nouvelle, et par le sujet qu'elle osait célébrer, et par l'harmonie inaccoutumée des hexamètres et des vers iambiques non rimés qui donnent tant de liberté à l'imagination. Tous les écrivains de l'époque, dont les efforts et l'ambition se bornaient à refléter, avec plus ou moins d'éclat et de fidélité, la littérature de la France et de l'Angleterre, furent éclipsés par l'étudiant obscur qui se trouva tout à coup à la tête de l'école, d'où sortirent plus tard Goethe et Schiller. Mais, au milieu de tant de gloire, il était dans la misère, et pour se procurer des moyens d'existence, il fut obligé de se faire précepteur d'enfants. En 1749, le roi de Danemark, Frédéric V, ami éclairé et protecteur généreux des arts et des lettres, lui offrit un logement dans son palais et une pension d'environ 3000 francs. Klopstock accepta avec reconnaissance et partit pour Copenhague, où il acheva en peu d'années les 10 premiers chants de la Messiade et publia sous le titre de Bardit, Hermann Etusnelda, La bataille de Hermann, etc., etc. Par ses chants héroïques, basés sur une mythologie nationale qui avait sur celle des Grecs et des Romains l'avantage d'offrir des divinités que les premiers peuples de la Germanie avaient adorées et qui toutes sont des modèles de la morale la plus sévère et de l'héroïsme le plus noble, il s'était flatté d'éveiller dans son pays des sentiments patriotiques. Mais il s'adressait à un peuple qui avait oublié son origine. Car les Allemands, familiarisés avec les dieux d'Hésiode et d'Homère et accoutumés à plier sous le joug des différents maîtres qui les gouvernent avec plus ou moins d'humanité et de justice, ne se souvenaient ni de leurs anciens dieux ni des héros qui s'étaient immortalisés en défendant le sol de la Germanie contre l'invasion romaine. Presque à la même époque, la mort lui enleva sa femme Marguerite Moller, plus connue sous le nom de Meta. La douleur que lui causa cette perte, dont il ne s'est jamais consolé, suspendit ses travaux. La raison et le besoin de remplir sa vocation lui donnèrent enfin la force de les reprendre. Il acheva la Messiade et dirigea la publication des 2 premières éditions, dont l'une parut à Halle en 1769 et l'autre à Altona en 1780. Cédant à son penchant pour la retraite, il s'était entièrement isolé du monde. Quand la Révolution française éclata et parut lui offrir la réalisation des sentiments patriotiques qu'il s'était vainement flatté d'éveiller en Allemagne. Toujours passionné pour la liberté, qu'il regardait comme une des plus saintes conséquences du christianisme, il composa des odes qui lui valurent le titre de citoyen français, titre qu'il abdiqua à l'époque de la Terreur, mais sans cesser de s'intéresser au sort de la France. Charlotte Corday n'eut point d'admirateur plus passionné, de chantre plus zélé que Klopstock. Le 4 mars 1803, il mourut à Hambourg, et cet événement réveilla l'enthousiasme dont il avait été l'objet pendant sa jeunesse. L'Allemagne comprit la perte qu'elle venait de faire, et les restes de Klopstock furent inhumés avec une pompe royale à Altona, près de sa chère Meta. La France n'avait pas attendu la mort du grand poète pour lui donner un nouveau témoignage de son estime. Dès 1802, l'Institut l'avait nommé membre associé. en l'admettant dans son sein, l'Académie française avait été guidée par le généreux désir d'offrir des consolations aux mérites délaissés et méconnus. Et ce mérite, elle avait pour ainsi dire été réduite à le deviner, car les traductions françaises de la Messiade étaient si loin de l'original que Klopstock lui-même les regardait comme une des plus grandes calamités de sa vie. Et certes, il avait le droit de s'en plaindre. Messieurs Antelmy et Juncker, qui, en 1772, publièrent à Paris une traduction des 10 premiers chants de la Messiade, semblaient avoir pris à tâche d'en faire disparaître cette poésie grandiose et téméraire à force de sainteté. Ce cachet d'inspiration divine qui a fait dire à Madame de Staël, « Lorsqu'on commence ce poème, on croit entrer dans une grande église au milieu de laquelle un orgue se fait entendre, et l'attendrissement et le recueillement que les temples du Seigneur inspirent s'emparent de l'âme en lisant la Messiade. » Dans la traduction dont je viens de parler, ce poème admirable est devenu une complainte plate et bizarre. Et Petit Pierre, qui, 3 ans plus tard, publia à Neuchâtel une nouvelle traduction de ces mêmes chants, ne fut pas plus heureux. Ces deux essais firent craindre à Klopstock de n'être jamais compris par les Français, et ce fut pour eux qu'il traduisit lui-même son poème en prose latine. Mais ce travail, qu'il avait occupé pendant plusieurs années, n'obtint aucun résultat. On n'essaya pas même de le consulter, car une traduction qui a passé par 2 langues ne saurait plus être qu'une ombre vague et imparfaite de l'original. Madame la chanoinesse de Courseroc publia la première à Aix-la-Chapelle en 1801 une traduction des 20 chants de la Messiade. Cette dame possédait peut-être toutes les qualités nécessaires pour comprendre et apprécier Klopstock. Mais elle ne connaissait ni le génie ni le mécanisme de la langue française. Aussi, sa traduction n'est-elle qu'un assemblage de barbarismes, de phrases inintelligibles, d'images grotesques, et de mots qui semblent s'étonner de se trouver si bizarrement réunis. Ce jugement, qui pourra paraître sévère, l'est beaucoup moins que celui de Klopstock. J'ai eu plusieurs fois le bonheur de le voir pendant mon enfance, car mon père était un de ses meilleurs amis et un de ses plus zélés admirateurs. Je me rappelle que, dans son indignation de poète blessé dans ses plus chères affections, il n'appelait pas cette dame Courseroc, mais Courseroc, Juponcourt, et il ajoutait que Dieu lui avait mesuré son talent de traducteur sur la longueur de ses jupons. Ce jeu de mots est peu digne de l'auteur de la Messiade, mais il était alors bien vieux et moi bien jeune. Mon intelligence me permettait de comprendre sa plaisanterie, mon approbation flattait le bon vieillard, et je crois qu'en ce moment il me trouvait beaucoup plus d'esprit qu'à mon père, qui le voyait à regret descendre au niveau d'un enfant. Si j'ai eu tort de rapporter cette particularité, j'espère trouver mon excuse dans le plaisir que j'éprouve en me la rappelant, plaisir qui sera compris sans peine par toutes les personnes qui ont été assez heureuses pour entrevoir dans leur enfance, et peu de temps avant sa mort, un homme célèbre. Je m'abstiendrai de parler de la traduction que M. Dorer fit publier à Paris en 1825, car je ne pourrais m'appuyer sur l'autorité de Klopstock. Il est facile de se procurer cette traduction, et je crois qu'il suffit d'en lire quelques passages pour se convaincre qu'elle n'a rien de commun avec la Messiade qui enthousiasma l'Allemagne, et qui valut à son auteur l'admiration de tous les littérateurs de l'Europe. Ce poème, unique dans son genre, peut donc être regardé comme n'ayant pas encore été traduit en français. Cette conviction seule a pu me décider à entreprendre un travail hérissé de difficultés sans nombre. Pour se familiariser avec l'esprit et le style de l'Ancien et du Nouveau Testament, Klopstock avait suivi un cours de théologie. Et, loin de s'appliquer à être clair pour les lecteurs qui n'avaient pas fait les mêmes études, il semble avoir voulu procurer aux théologiens le plaisir d'expliquer aux profanes les passages empruntés au Livre Saint, et qu'il n'a pas jugé à propos d'éclaircir par des notes. Aussi n'est-il pas rare de trouver en Allemagne des personnes de mérite avouant fort ingénument qu'elles n'ont pas eu le courage et la persévérance de suivre la pensée, toujours noble et élevée, de ce poète à travers les allusions bibliques qu'une phraséologie brillante, de nombreuses inversions et une foule de néologismes rendent souvent tout à fait inintelligibles. Il reste fort peu de vers dans la Messiade que le lecteur le plus accoutumé à ce genre de poésie puisse comprendre à la première lecture. Il en est un grand nombre dont chacun m'a coûté plusieurs heures de méditation avant de pouvoir en saisir le véritable sens. J'ai cherché à remédier à ces inconvénients en ajoutant des notes à tous les passages qui m'ont paru en avoir besoin, et à exprimer avec autant de netteté et de précision qu'il m'a été possible les pensées et les images que Klopstock aime à envelopper d'un voile mystérieux. Cette profondeur un peu ténébreuse a beaucoup de charme pour les Allemands, mais elle épuiserait bientôt la patience des lecteurs français qui regardent, à juste titre, la clarté comme un des premiers mérites d'un écrivain. Rendre ce poète intelligible pour tout le monde n'était que la moitié de la tâche que je me suis imposée, et qui est celle de tous les traducteurs, dont M. de Pongerville a si bien tracé les devoirs dans l'avant-propos qui précède sa traduction du Paradis perdu. Ce ne serait pas assez pour lui, dit-il, d'être profondément versé dans la connaissance des deux langues. C'est la langue poétique qu'il a besoin d'étudier. C'est à cette langue qu'il doit surtout sa fidélité. Malheur au traducteur qui asservirait son art à une sorte de procédé matériel. Sa version ne serait qu'un calque dénué de vie. La conscience rigide d'un traducteur le dirige dans un sentier étroit, où le moindre faux pas le fait passer du sublime au ridicule, en se prêtant à tous les tons d'une langue étrangère. Il ne doit jamais oublier les conditions imposées par la sienne. Il est rare de trouver ainsi réunis l'exemple et le précepte. J'ai cherché à me pénétrer de l'un et de l'autre, et je ne pouvais choisir un guide plus sûr, puisque la Messiade est, en quelque sorte, la continuation du Paradis perdu. D'après l'opinion la plus généralement admise, elle est même regardée comme une imitation de ce poème célèbre. Mais cette opinion est erronée, car, tout en partant du même point, ces deux grands poètes ont pris chacun une route différente et sont arrivés à un autre but. Milton peint le triomphe de l'esprit du mal et la perte de l'espèce humaine. Klopstock chante la victoire du Dieu de miséricorde et l'espèce humaine réconciliée avec son Créateur. Milton, né et élevé au milieu des guerres civiles, façonné aux controverses religieuses, aux discussions politiques et à tous les orages de la vie publique, a fait de Satan la personnification de l'esprit d'indépendance et de l'Éternel l'image de ces monarques débonnaires qui deviennent inexorables et parfois même cruels, dès que leur peuple ne se contente pas du bonheur sous la forme qui leur plaît de le lui octroyer. Aussi ne peut-on s'empêcher d'admirer Satan. On l'aime presque, car on sent qu'il est trop grand, trop noble, pour obéir à un maître qui, pour être meilleur et plus fort que lui, n'a pas cette audace de pensée qui, à force d'élever l'esprit, l'égare, et qui nous charme toujours, parce qu'elle se trouve en harmonie avec nos propres tendances. Klopstock, qui n'avait jamais connu d'autres orages que ceux que soulevaient les émotions qu'il puisait en lui-même, et qu'il renfermait en son cœur comme un pieux mystère, a donné à Satan le seul rôle que la philosophie de la religion doive et puisse lui accorder. Il en a fait un être malfaisant, qu'un sot orgueil et l'amour du désordre ont poussé à se révolter contre la justice divine qu'il hait, non parce qu'elle veut la servir, mais parce qu'elle veut faire régner sur la terre la paix, la liberté et toutes les vertus qui marchent à la suite de ces deux filles du ciel. Ce poète, à la fois si sensé et si enthousiaste, s'abstient autant que possible de montrer la divinité considérée comme être abstrait, et, quand la nature de son sujet l'y force, il l'entoure de saintes ténèbres, car il sent que le génie humain, quelque sublime qu'il puisse être, en voulant peindre cette divinité, la ravale aux mesquines proportions de la terre. Il n'en est pas de même du Dieu qui s'est fait homme. En prenant un corps d'os et de chair, il a voulu se rendre accessible à nos sens. C'est de ce Dieu que Klopstock a fait le héros de son poème, et c'est en développant l'incarnation de ce principe d'amour et de miséricorde qu'il élève l'âme de ses lecteurs à une hauteur qui, pour être presque idéale, ne dépasse pas les limites de l'intelligence humaine. La même différence qui existe entre la pensée fondamentale du paradis perdu et de la Messiade se fait remarquer dans les détails. Comme Milton, Klopstock étonne et effraie par le grandiose et la hardiesse des descriptions qu'il fait des régions célestes, où l'imagination des grands poètes se complaît toujours. Mais chez Milton, le ciel doit son étonnante beauté au reflet de l'éclat gigantesque que la révolte de Satan jette sur l'infini. Chez Klopstock, la création, comme enfermée dans le réseau de l'harmonie céleste, est un immense tableau dont chaque détail offre l'image du bonheur noble et calme qui résulte naturellement du règne de la justice. Et cette justice, dont Milton a fait un pouvoir arbitraire, est, chez le poète allemand, la conséquence de la perfection qu'une bonté infinie fait pencher vers l'indulgence pour tout ce qui n'est que faiblesse et erreur. Pensée qu'il a développée avec un talent admirable dans les scènes du jugement qui précèdent l'ascension du Christ. Et surtout dans le caractère d'un ange déchu qui figure dans la Messiade sous le nom d'Abdiel Abadona. Cette création est une des plus consolantes qui soit jamais sortie du cerveau d'un poète philosophe. Elle place le repentir jusque dans les enfers et étend l'action de la clémence divine même sur le gouffre de la damnation. Milton excelle dans la peinture des passions, mais il se borne à nous les montrer grandioses ou enivrantes, car il ne veut que fasciner ou émouvoir. Klopstock ne s'est jamais permis d'écrire une seule ligne dans un autre but que celui de rendre les hommes meilleurs et plus heureux. Aussi, voyez quelles couleurs opposées ces deux grands peintres du cœur humain trouvent sur leur palette. Chez Milton, l'amour est une divinité couronnée de roses, dont le voluptueux sourire fait de la vie terrestre un jour de fête et de bonheur. C'est de cet amour que s'aiment Adam et Ève, et leurs entretiens qu'on admire à juste titre exaltent l'imagination et font battre le cœur. Chez Klopstock, l'amour est une émanation de la divinité qui, en nous rappelant sans cesse la noblesse de notre origine, nous élève, nous sanctifie. C'est de cet amour que s'aime Sidélie, la fille de Jaïrus, et Sémida, l'orphelin de Naïm, tous deux ressuscités par le Christ. Dans cette jeune fille qu'il nous représente douée d'une beauté aérienne, d'une bonté et d'une candeur angélique, il peint sa chère Meta lorsqu'elle n'osait pas encore espérer qu'un jour elle pourrait devenir sa femme. Et il nous fait deviner ce qu'alors il éprouvait lui-même quand il décrit la passion non moins pure mais plus énergique de Sémida. Cet épisode, qui semble emprunté à la vie des anges, paraît plus touchant encore quand on en connaît l'origine. L'effet qu'il produit est doux et bienfaisant, tandis que l'épisode d'une autre Sidélie et de Gédor, qu'on trouve dans le 15e chant, éveille un sentiment douloureux, car le poète y raconte la mort de Meta, que dans presque tous ses poèmes il a chanté sous le nom de Sidélie. On sent qu'en composant ce morceau, il humectait le papier de ses larmes. On pleure avec lui, mais on ose le plaindre. La douleur, quand elle est si noblement religieuse, repousse la pitié pour nous laisser tout entier à l'admiration et au respect. L'amitié ne pouvait pas trouver de place dans le paradis perdu. Dans la Messiade, comme dans tout ce que Klopstock a écrit, ce sentiment est un culte sacré. et l'oubli des devoirs qu'il impose, le plus grand des crimes. Suivre plus longtemps ce parallèle serait analyser la Messiade, et ce poème veut être lu. L'analyse n'en donnerait qu'une idée imparfaite, et souvent même fausse. Si j'ai réussi à faire passer une partie des beautés de la Messiade dans la langue française, elle doit avoir en France le même succès qu'elle a eu en Allemagne. Et alors la morale publique y gagnera beaucoup. Les martyrs de M. de Chateaubriand, les méditations de M. de Lamartine, ont ramené plus d'un jeune cerveau égaré. L'œuvre de Klopstock produira le même effet. Et certes jamais on a eu, autant qu'aujourd'hui, besoin d'un livre qui puisse servir de contrepoison aux écarts de la littérature du jour. Tous les esprits ont été plus ou moins indignés ou faussés. Tous les cœurs ont été plus ou moins blessés ou corrompus par ces productions dangereuses qui, sous prétexte de s'élever contre les préjugés et les abus, font du vice une conséquence inévitable de nos institutions sociales, et du crime le plus puissant et presque le plus noble emploi de la force morale. Baronne de Karlowitz. Paris, 18 mai 1840.